بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دونك إن شاء الله تعالى on commence dans المنظومة. Il dit l'auteur رحمه الله تعالى البيقوني بسم الله الرحمن الرحيم. Donc comme c'est l'habitude des savants en général lorsqu'ils écrivent soit un livre ou soit un poème, un livre sous forme de poème, eh bien, il commence par al-basmala. Il commence par al-basmala. Et ceci pour plusieurs raisons. La première raison, c'est iqtida'an bi kitabillahi azza wa jal. C'est-à-dire dans le fait qu'ils font comme le livre d'Allah, où chaque surah commence par al-basmala. À part, bien sûr, surat al-tawbah. Aussi, iqtida'an bi sunnati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-fi'liyya. C'est-à-dire en suivant la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa tradition active. Car il n'est pas rapporté authentiquement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il fallait dire bismillah lorsqu'on nous commencions une chose. Donc il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit: chaque chose, كل امر ذي بال لا يبدا فيه ببسم الله فهو اقطع. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم aurait dit que toute action où nous ne commençons pas par le nom d'Allah Azza wa Jal est tronquée. Et nous l'avons dit, ce hadith n'est pas authentique. Donc il n'y a pas une parole prophétique du prophète صلى الله عليه وسلم qui nous prouve qu'il faut commencer toute chose par al-basmala. Mais il y a sa sunna qui est une sunna qui est active. Dans le sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il envoyait des documents ou des lettres au roi pour les appeler à l'islam, eh bien il commençait par bismillah dans ses écrits. Donc ceci est une sunna prophétique lors d'un écrit, lorsqu'une personne écrit une risala, de commencer par bismillah. Donc le hadith, il est rapporté notamment par le Bukhari. Aussi, les savants font ça parce que les savants qui les ont précédés l'ont fait. Iqtidan bil ulama as-sabiqin. C'est-à-dire, ils font comme les savants qui les ont précédés. Quatrième chose, tabarrukan biha. Yani, inda ibtida al-kitaba yatabarrakuna bismillah. Donc ils prennent la bénédiction du nom d'Allah Azza wa Jal en commençant un écrit. En commençant un écrit. Donc il dit l'auteur, et nous avons parlé à plusieurs reprises de l'basmala. Donc Inch'Allah, c'est pas ici que nous allons redétailler. Il dit l'auteur, rahimahullah, abda'u bilhamdi musalliyan ala muhammadin khayri nabiyin ursila. Donc il dit, je commence par la louange en priant sur Muhammad alayhi salatu wa salam, le meilleur des prophètes envoyés. Donc ici nous voyons que l'auteur rahimahullah ta'ala, en plus de citer la basmala qui est le fait de dire bismillah ar-Rahman ar-Rahim, eh bien il loue Allah aussi subhanahu wa ta'ala, il fait aussi la louange. Et vous remarquerez que les savants divergent dans leur façon de faire. Certains cite uniquement la basmala, d'autres citent uniquement la hamdala, c'est-à-dire alhamdulillah, et d'autres réunissent entre les deux. Certains réunissent entre eux al-basmala ou alhamdala. Donc aussi il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toute chose où la personne ne commence pas par l'ange d'Allah est tronquée aussi, et ce hadith aussi est faible. Mais ce qui est connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il débutait alayhi salatu wassalam ses discours par alhamdala. Donc ses discours, il est commencé par alhamdala, ses écrits par le basmala. Et c'est ça qui est connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna authentique. Donc après, il y a ce qu'ils appellent les savants, si on peut dire du poème, etc., qui disent al-wajibat as-sina'iyya, c'est-à-dire les choses qu'ils sont obligés de mettre lorsqu'ils écrivent un poème. Donc ils disent, par exemple, il faut qu'ils disent al-basmala, il faut qu'ils disent alhamdala, il faut qu'ils prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est ce qu'ils disent, qui sont des wajibat sunaiya lorsqu'ils font, lorsqu'ils écrivent un poème. Donc alhamd, la louange, nous l'avons dit précédemment aussi, il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, alhamdu huwa ikhbar عن محاسن المحمود مع حبه وجلاله وتعظيمه. Donc الحمد, c'est le fait de louer les qualités de celui qui est loué tout en l'aimant, en le grandissant et en le vénérant. Donc il faut savoir qu'il y a une différence entre الحمد et المدح, c'est-à-dire la louange et l'éloge. La louange et l'éloge. Et le madh, c'est ikhbar an mahasin al-shakhs aussi. Donc yashtarik ma'a al-hamd, al-madh wa al-hamd yashtarikan fi annahu ikhbar an mahasin al-shay. C'est-à-dire qu'ils sont pareils dans le sens où al-madh, c'est-à-dire la louange, pardon, l'éloge et la louange se réunissent dans le fait que tu informes du bien ou d'une bonne qualité d'une chose. Mais ils se divisent dans le fait que Alhamd, il est avec amour, grandissement et vénération. Tandis que le Madh, il n'est pas avec amour. Il se peut qu'une personne fasse l'éloge d'une autre alors qu'il la déteste. Comme ceci est connu dans l'histoire des rois, ils avaient des gens qui leur faisaient des éloges à longueur de journée, alors que ces mêmes personnes les détestaient. Et c'est ça la différence entre le madh et alhamd. Pourquoi nous faisons la louange d'Allah Azza wa Jal? Pourquoi? Hada li sababayn, pour deux raisons. La première raison, c'est li kamalihi fi asma'ihi wa sifatihi. لِكَمَالِهِ جَلَّ وَعَلَى. Parce que Allah Azza wa Jal, il est parfait. Il mérite l'éloge. Il mérite la louange. Subhanahu wa ta'ala. Aussi, لِكَمَالِ إِحْسَانِهِ عَلَى خَلْقِهِ. Nous lui faisons la louange parce que subhanahu wa ta'ala, le bienfait qu'il fait à la créature, il est parfait aussi. Celui qui regarde les bienfaits d'Allah sur lui, eh bien, il ne cessera de les compter, il n'arrivera pas. Tellement ils sont nombreux. Donc c'est pour cela que Allah Azza wa Jal mérite la louange et bien plus encore. Thumma qal musalliyan ala Muhammadin. Donc, il fait l'éloge d'Allah et la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala et il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. والصلاة هنا بمعنى الثناء. Elle vient ici dans le sens de l'éloge. Donc Allah Azza wa Jalla il dit إن الله وملائكته يصلون على النبي أي يثنون عليه في الملأ الأعلى. Donc ils font l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les cieux. Et aussi, il peut avoir un autre sens de la prière, c'est ad-du'a. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum. Yani wad'u lahum. Wad'u lahum. Donc c'est pour cela que ça peut être aussi dans le sens de l'invocation, mais ici c'est le sens de l'éloge. مُصَلِّيًا عَلَى مُحَمَّدٍ خَيْرِ نَبِيٍ أُرْسِلَ. Donc le meilleur prophète envoyé. Donc ici, nous tirons de la parole de l'auteur rahimahullah ta'ala lorsqu'il dit خَيْرِ نَبِيٍ أُرْسِلَ, c'est qu'il y a un tafadul بين الأنبياء. C'est qu'il y a entre les prophètes un mérite pour certains qui n'est pas pour d'autres. Qu'il y a une différence dans le mérite entre les prophètes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ. Il a dit, nous avons élevé certains prophètes sur d'autres. وَقَالَ تَعَالَى تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Donc vous voyez, il a dit aussi, subhanahu wa ta'ala, voici les messagers d'où nous avons donné plus de mérite à certains qu'à d'autres. Et vous remarquerez qu'Allah Azza wa Jal, dans les deux versets, il parle une fois des prophètes et une fois des messagers. Quelle est la différence entre un prophète et un messager? On l'avait dit déjà. Le messager, il a une nouvelle... Le messager, il a une nouvelle, législation. Nouvelle législation. Le prophète, il vient confirmer la législation précédente. Voilà. La différence entre un prophète et un messager, c'est que le messager, il a une nouvelle législation. Et le prophète vient appeler à la législation du messager qui l'a précédé. Il y a une divergence à la kulli hal que nous avons citée lorsque nous avons parlé de l'ha'iyya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, d'après la parole de l'auteur, c'est le meilleur prophète messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a des preuves de ceci, comme il a été rapporté authentiquement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ana sayyid waladu Adam » Je suis le maître des enfants de Adam, le meilleur yani. Et il est rapporté aussi que c'est sahib al-maqam al-mahmoud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui aura la place élevée yawm al-qiyamah. Donc il est élevé parmi tous les autres prophètes et messagers. Donc il dit ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala wa min dhi min aqsami al hadith 'idda wa kullu wahidin ata wa hadda. Donc ici il dit l'auteur en bref que le hadith, ou plutôt nous allons dire mustalah al hadith, la terminologie du hadith, il a plusieurs aqsam. Il y a différentes sortes de hadith. Et ceci, min diha til istilah, de façon ou par rapport à l'utilisation des termes. Il y a différents termes pour définir différentes sortes de hadith. Par exemple, il y a al-sahih, il y a al-hasan, il y a al-da'if, il y a al-mawdu', etc. Ce sont différentes terminologies qui désignent différentes sortes de hadith par rapport à différentes des différentes caractéristiques. Mais lorsqu'on regarde la réalité, min jihat al-isti'mal, de façon pratique, donc il y a là de façon istilahi, de façon lorsque nous regardons par rapport à ce qui est terminologie et terme, il y a différentes sortes. Mais lorsque nous regardons de façon pratique, min jihat al-isti'mal, il n'y a que deux sortes de hadith. Il y a al-maqboul ou al-mardoud, ce que nous allons croire et mettre en pratique, et ce que nous allons pas croire et rejeter. Donc de façon pratique, je parle, de façon pratique. Donc, ici, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il dit, il y a plusieurs sortes de hadith. Al-hadith, lughatan, huwa diddul qadim. Donc, al-hadith, dans la langue, c'est le contraire de l'ancien. On dit à l'ancien, le hadith, c'est celui qui est nouveau. Amma fi istilah al-ulama, dans la terminologie des savants, eh bien, al-hadith, هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. Donc c'est ce qui a été rapporté du prophète صلى الله عليه وسلم comme parole ou action ou approbation ou qualificatif, caractéristique. Donc l'auteur il t'informe que là je vais te citer les différentes sortes de termes qui correspondent à des différentes sortes de hadith et je vais te ramener chaque hadith avec son hadda, sa définition. Sa définition. Donc ici on remarque une chose, c'est un petit també, c'est une petite remarque, c'est que l'ulama As-salaf rahimahumullah dans Al-Hadith, ils n'avaient pas ce qu'ils appellent aujourd'hui ou ce qu'ils ont appelé à partir d'Ibn Salah Al-Ta'rif Al-Jami' Al-Mani'. C'est-à-dire la définition qui est une définition qui est claire et qui rapporte qu'ils utilisaient uniquement pour ce terme-là. Ils utilisaient des fois des termes différents pour désigner la même chose. Comme le faisait l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il utilisait al-Hasan pour désigner un texte ou un hadith authentique. Donc pour lui, utiliser al-Hasan ou al-Sahih, pour lui c'est la même chose. Mais à partir d'Ibn Salah est venu, ou plutôt la science du hadith a été impactée par ce qui est mantiq, et par là est devenu les ta'arif jami'a mani'a, c'est-à-dire des définitions qui réunissent les conditions du terme et qui sortent toutes les choses qui ne peuvent pas rentrer dans ce terme-là. C'est ça jami'a mani'a en gros. Donc l'auteur rahimahullah ta'ala ici il commence par, bien sûr, par le texte, le hadith authentique, as-sahih. Donc il dit أولها الصحيح وهو ما اتصل. Donc أولها الصحيح وهو ما اتصل. إسناده ولم يشذ ولم أو يعل. ولم يعل c'est dans ma tête. إسناده ولم يشذ أو يعل. Donc ici il dit le premier c'est le hadith صحيح. Et c'est celui dont la chaîne de transmission est lié, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupure, et qu'il n'y a pas un chouzouz ou une illa, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une transgression, nous allons appeler ça chouzouz, une transgression, c'est-à-dire, nous l'expliquerons inshallah en détail, mais qu'ils contredisent des gens qui l'ont, qui sont mieux que lui, ou une illa, c'est-à-dire qu'il y a un méfait, un mot, un mal plutôt, dans ce texte, qu'il soit apparent ou caché. Mais généralement, lorsqu'il parle de illa, c'est des choses qui sont cachées, que les gens ne connaissent pas, les gens en général ne connaissent pas. يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. Donc il dit, il le rapporte quelqu'un de juste, quelqu'un de... Ou plutôt, on peut dire quelqu'un d'intègre. Intègre, c'est mieux pour Adl. Et Dabit, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise. An mithlihi, de son cheikh, de la personne qui le précède. Mu'tamidun fi dhabtihi wa naqlihi, c'est-à-dire qu'il est sûr dans sa transmission. Il est sûr dans sa transmission. Donc ça, c'est le hadith. As-Sahih, comme l'a cité l'auteur rahimahullah ta'ala ici, dans Al-Bayquniya. Donc ici, nous remarquons que l'auteur a cité cinq conditions. Il a cité cinq conditions. Et je vais pas les donner, je vais les donner dans l'ordre, mais je vais pas les détailler dans l'ordre. À la kulli hal, nous avons les abiyat. Donc il a cité la première condition qui est ittisal al-sanad. C'est-à-dire que la chaîne de transmission n'est pas coupée. C'est-à-dire qu'elle est lié jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou jusqu'à la personne qui rapporte le texte. Ça c'est ittisal al-sanad. La deuxième condition qu'il cite l'auteur, c'est as-salamatu min ash-shudhuz. C'est-à-dire qu'il est pas touché par la déformation. La troisième chose, As-salamatu min al-illa. C'est-à-dire qu'il n'est pas touché par le défaut. La quatrième chose, c'est adlur rawi. C'est que la personne qui rapporte doit être intègre. La cinquième condition, c'est dabt al-rawi. C'est-à-dire que celui qui rapporte le texte, il doit avoir une maîtrise de ce qu'il rapporte. De ce qu'il rapporte. Donc on remarque ici qu'il y a trois conditions qui sont liées uniquement à la chaîne de transmission. Il y a trois conditions qui sont liées à la chaîne de transmission uniquement. Qui sont tisal sanad, adlu al-rawi wa dabt al-rawi. Et ces trois conditions-là ne sont pas liées au matn. Et les deux autres conditions sont liées au isnad et au matn. Car il se peut qu'il y ait une illa dans l'isnad et dans le matn. Comme il se peut qu'il y ait un shudud dans l'isnad et dans le matn. Donc la première condition, avant de parler de la première condition, nous allons dire qu'est-ce que as-sanad ou al-matn. Qu'est-ce qu'une chaîne de transmission et qu'est-ce que le texte en soi. As-sanad hiya silsilat ar-ruwa. C'est la chaîne de transmission al-munsila ila al-matn. Celle qui te mène jusqu'au texte. Celle qui te mène jusqu'au texte. وَالْمَتْنُ هُوَ مَنْ تَهَى إِلَيْهِ السَّنَدُ مِنَ الْكَلَامِ. المتن, c'est où se termine la chaîne de transmission où il y a les paroles. يعني. C'est la parole en fait qui est rapportée. Donc je vous donne un exemple. حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرُ. Bon, ma haddathana nahnu, c'est pas nous qui la haddath, mais la haddath l'imam Bukhari. Qala haddathana Khalid an Ikrima an Ibn Abbas, qala dammani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa qala Allahumma allimhu al-kitab. Rawahu al-Bukhari. Donc Abu Ma'mar, Khalid, Ikrima, Ibn Abbas, c'est quoi? C'est la chaîne de transmission. Al-matn, c'est qal Allahumma allimhu al-kitab. Vous comprenez? Donc c'est ça, en gros, as-sanad wal-matn. Maintenant, ittisal al-sanad. Donc il faut savoir que un hadith, il a normalement un isnad. Donc il se peut que il y ait des textes qui sont considérés comme étant des hadiths, mais qu'ils n'ont pas d'isnad. Donc c'est des textes qui n'ont pas de asl en fait. Comme certaines choses qui sont connues par la plupart des gens. Comme Hubbul Watan min al-Iman par exemple. Hubbul Watan min al-Iman. Eh bien ceci n'est pas un texte. Il n'a même pas de chaîne de transmission pour certains. Pour la plupart même. Mais les gens ils le disent. Ou plutôt peut-être même les kuffars l'ont rapporté chez les musulmans. Pour leur mettre l'amour de leur pays alors qu'ils doivent aimer en fait l'islam et les musulmans et se lier pour l'islam et les musulmans. Mais ici, qu'est-ce que c'est? La majorité des textes, ils ont quoi? Ils ont un sanad. C'est quoi le shart alors? C'est al-ittisal. C'est que la chaîne de transmission soit complète et qu'il n'y ait pas de coupure dans la chaîne de transmission. C'est-à-dire que chaque rapporteur rapporte de son shir. Que chaque rapporteur rapporte de son shir. C'est ça la chaîne de transmission qui est muttasila. Que chaque rapporteur rapporte de son shir, à ce moment-là, la chaîne de transmission est muttasila. Donc ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir entre la personne et son shir une wasita. Il ne doit pas y avoir entre le cheikh et le Talmid qui prend le hadith, quelque chose entre eux deux. Mais ça doit être directement pris du shir. Et c'est pour cela qu'il y a cinq choses qui coupent le isnad. Il y a cinq choses qui coupent le isnad. Donc il y a en premier lieu ce qu'il va appeler l'auteur et ce qu'appellent les gens de l'hadith al-mu'dal. Celui-là, il y a une coupure dans l'isnad et nous reviendrons dessus. Al-mu'allaq, il y a une coupure dans l'isnad. Al-mudallas, il y a une coupure dans l'isnad même si elle n'est pas apparente. Al-mursal, il y a une coupure dans l'isnad. Et al-mursal al-khafi, ou bien certains disent al-munqati'. Mais c'est un irsal khafi. Et nous reviendrons sur chaque terme que nous avons cité, car l'auteur parle de ces termes-là. Donc cinq choses ici coupent la chaîne de transmission, fait que cette chaîne de transmission n'est pas muttasila, n'est pas complète jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut savoir aussi, mes très chers frères, que certains jurisconsultes, les gens de la jurisprudence, qui ne sont pas sur le même ou sur la même longueur d'onde que les gens de la science du hadith, considèrent que Al-Mursal est une hujja et peut être utilisé dans les masail de fiqh. Contrairement aux gens de l'hadith qui considèrent Al-Mursal comme étant un hadith faible, comme étant un texte qui est faible et dont nous ne pouvons pas l'utiliser. Et certains, il y a un troisième avis sur ce sujet, nous reviendrons dessus, inshallah, lorsque nous parlerons du mursal, eh bien, considère que tu peux l'utiliser, le mursal, avec des conditions. C'est notamment l'avis de l'imam Shafi'i, rahimahullah. On reviendra, inshallah, dessus. Donc ça, c'est la première condition qui est ittisal al-sanad. Donc chaque rapporteur doit rapporter de son shir, qui lui-même rapporte du compagnon, qui lui-même rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous reviendrons aussi sur une chose qui s'appelle marasil as-sahaba, car il se peut aussi que certains compagnons ont rapporté des hadiths authentiques de certains tabi'in et qu'ils ont dit « Qala Rasulullah ». Donc, la personne qui va lire va penser que c'est le compagnon qui le rapporte. Puisque, en premier lieu, le compagnon rapporte le texte avant le tabiri. Vous comprenez? Puisque le tabiri, il n'a pas vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais, ce même tabiri, il a pris d'un autre compagnon. Et cet autre compagnon n'avait pas le hadith, il l'a pris de ce tabiri. Vous comprenez? On reviendra dessus, inshallah, et on expliquera cela en détail. La deuxième condition, c'est al-adala, c'est-à-dire l'intégrité. Et l'intégrité, c'est quelqu'un, ou plutôt dans la langue arabe, al-adala, هو المقنع في الشهادة, c'est-à-dire c'est une personne qui est sûre, on va dire, ou juste, ou intègre. أما في اصطلاح العلماء فقد اختلف العلماء في التعبير عن العدالة, c'est-à-dire que les savants ont, dans leur façon d'expliquer العدالة, l'intégrité, eh bien ils ont divergé dans la manière d'expliquer cela. Donc il dit à l'imam al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, al-adala al-matlouba fi sifati al-shahid al-mukhbir hiya al-adala al-raji'atu ila istiqamati dinihi وسلامته من الفسق وما يجري مجراه مما اتفق على أنه مبطل للعدالة من أفعال الجوارح والقلوب المنهي عنها. Donc le Khatib al-Baghdadi il dit que l'intégrité demandée dans la caractéristique de celui qui témoigne une information ou qui rapporte une information, c'est l'intégrité qui revient à sa droiture dans sa religion et dans sa préservation de toute perversité qui annule, de toute perversité qui annule son intégrité comme les actions qui sont interdites. C'est-à-dire quelqu'un qui fait un grand péché, par exemple. Ou il dit Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, العدالة هي التزام العدل والعدل هو التزام الالتزام بالفرائض واجتناب المحارم والضبط لما روى وأخبر به. Donc il dit العدالة c'est le fait d'être, l'intégrité c'est le fait d'être juste. Et le juste c'est celui qui met en pratique les obligations et délaisse les interdits et qui maîtrise ce qu'il rapporte et ce qu'il informe. C'est-à-dire, il maîtrise ce qu'il prend comme hadith et ce qu'il va donner. D'autres ont dit, certains contemporains et même Ibn Hajar et d'autres, ils disent « Hiya malakatun » تحمل الراوي على ملازمة التقوى والمروءة والخلو من الشرك والفسق والبدعة. Donc il dit c'est une chose que la personne a qui le pousse, le rapporteur qui le pousse à se lier à la crainte et à la bonne, au bon extérieur et qui se le détourne de l'association de la perversité et de l'innovation. Donc en lisant ce que nous venons de dire, les paroles des savants, nous remarquons que Al-Adala, chez les savants, est liée à deux choses. La première chose, c'est l'intégrité religieuse, qui est Al-Istiqamatu al-Din, la droiture dans la religion. Quelqu'un qui n'est pas droit dans sa religion, tu vas pas prendre de, ils ne prennent pas de lui un hadith. Il n'est pas adl. Il n'est pas adl. C'est-à-dire tout ce qui est lié à la droiture dans la religion. La deuxième chose, c'est al-adalatu fi riwaya wa hiya al-dabt wal-hifd. C'est-à-dire la deuxième chose, c'est ce qui est lié à l'intégrité dans l'apport du texte par rapport à sa maîtrise du texte et à son apprentissage, à sa connaissance parfaite. Je vous donne un exemple. À l'époque, au temps du prophète, au temps des rapporteurs de hadiths prophétiques, eh bien, il y avait une chose qui faisait que la personne n'était pas bon dans son intégrité et que certains savants délaissaient son hadith. Pourquoi ? Parce que kana yuhaddithu min kutubin nas. Donc, il prenait le livre d'autrui, comme par exemple mon père à moi c'est un muhaddith, il a un livre où il écrit tous ses hadiths. Moi son fils, je prends le livre de mon père et je haddith certains avec les hadiths qui sont dans ce livre. Il y a quoi de qui annule l'intégrité et qui fait que nous rejetons ce hadith? A priori il n'y a rien d'extraordinaire. Tu prends un livre, tu lis, khlas, tu as transmis le hadith. Mais celui-là qui a pris le livre, il ne le maîtrise pas. Sachant qu'à l'époque, il n'écrivait ni avec les points, ni avec les harakats. Il n'y avait même pas les points. Du ba, du noun, etc. Et c'est pour cela qu'il y a certaines versions où il y a des tashrif. Nous reviendrons dessus. C'est-à-dire au lieu de que ce soit ba, c'est noun. Au lieu que ce soit noun, c'est ba. Etc. Pourquoi ? Parce qu'une personne a « haddath min kitab ghayrihi » Parce qu'il a donné un hadith d'un livre qui n'est pas le sien. Donc, la yadbituhu wa la yahfadu. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que il faut les savants, les grands savants du hadith, les imams du hadith, eh bien, toutes ces choses-là, ils prenaient garde et ils arrivent à différencier entre ce qui est acceptable dans les versions et ce qui est rejeté. En ce qui concerne les conditions de l'intégrité, elles sont de 5. Retenez ce chiffre, 5. Puisqu'il y a 5 inqita', rappelez-vous dans Ittisal Sanad, il y a 5 conditions pour Al-Adala. La première, c'est Al-Islam. C'est que la personne soit musulmane. Donc la version d'un kafir n'est pas accepté. Si tu vois dans Isnad, il y a un kafir, bon, c'est impossible, mais eh bien, là, son hadith, il est faible, il est rejeté directement. Et ceci avec le consensus des savants. Cependant, il faut différencier entre deux choses, qui sont deux choses très importantes. Halatul tahammul wa halatul ada. Il faut différencier entre deux situations. La première qui est lorsqu'il entend le texte, celui qui l'entend, le texte. À ce moment-là, il n'y a pas de mal à que ce soit un kafir. Si un kafir entend un hadith prophétique d'un compagnon ou d'un tabi'i, au moment où il l'entend, il est kafir. S'il le transmet en état de kafir, son hadith est rejeté. S'il le transmet alors qu'il s'est converti et qu'il l'a entendu alors qu'il était mécréant, à ce moment-là, son hadith est accepté. Vous comprenez? Donc il faut différencier entre la situation où il prend le hadith et lorsqu'il le donne. Il a le droit de le prendre en état de kufr, mais il n'a pas le droit de le donner qu'en état d'islam. Et ça, c'est une chose dont il faut faire la différence. Il y a un exemple à cela, notamment dans Sahih al-Bukhari. La version de Jubair ibn Mut'im. La version de Jubair ibn Mut'im. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. Il a dit j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter au Maghrib la sourate At-Tur. Et lui, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter At-Tur au Maghrib alors qu'il n'était pas musulman. C'était un kafir. Mais lorsqu'il l'a dit, le hadith, eh bien, il l'a dit en état d'islam. Donc le Bukhari, il l'a mis dans son texte, dans son livre authentique. Et il y a aussi l'exemple de la qissa de Abu Sufyan. L'histoire de Abu Sufyan avec le Négus. Pas le Négus, avec le Héraclius. En français, c'est Héraclius. Héracle. L'histoire s'est passée alors que Abu Sufyan était mécréant. Mais lorsqu'il l'a raconté, il l'a raconté en état d'islam. Et les gens du hadith l'ont rapporté. Donc il a pris la chose alors qu'il était en état de mécréance et il l'a donné en état d'islam. Son hadith est accepté. Deuxième condition, c'est al-bulur, c'est-à-dire qu'il est pubère. Et c'est une condition ici qui est reliée à l'âge de la personne lorsqu'il entend le texte et lorsqu'il le rapporte. Ici aussi, il faut faire la différence entre les deux. Donc les savants du hadith ont divergé à ce sujet et certains ont désigné un âge précis pour prendre un hadith et pour le donner. Donc certains ont dit que c'était 13 ans, d'autres ont dit 15, à la kulli hal, dans les deux cas, c'est-à-dire prendre et donner. Et Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah, il rapporte cette divergence. Il dit, « قال قوم الحد في السماء الحد في السماء 15 سنة وقال بعضهم 13 أو 13 وقال جمهور العلماء يصح لمن سنه دون ذلك وهذا عندنا الصواب. Donc il dit, Al-Khatib Baghdadi rahimallah ta'ala, il dit, ils ont désigné pour prendre un hadith l'âge de 15 ans. D'autres ont dit 13 ans. Et la majorité disent que la personne qui prend un hadith peut le prendre même avec un âge qui est en deçà de les deux cités. Et ceci est pour moi le meilleur, il dit Al-Khatib Baghdadi. وإلى هذا ذهب السلف رحمهم الله. Et c'est à ça que ont penché les prédécesseurs, les savants du hadith, les précédents, notamment Al-Bukhari rahimahullah ta'ala qui dit dans Kitab al-Ilm, Bab mata yasihu sama' al-saghir. Bab mata yasihu sama' al-saghir. Donc Al-Bukhari il a mis une porte dans son livre Al-Ilm. À quel âge la porte, quel est l'âge où le petit peut prendre un hadith? Puis il a rapporté deux hadiths dans cette porte. Il a rapporté le hadith d'Ibn Abbas, où il rapporte le hadith, où il dit, j'étais proche de la puberté, c'est-à-dire qu'il n'était pas pubère. Donc il a rapporté ce hadith alors qu'il a dit, j'étais proche de la puberté. Et il a rapporté aussi un autre hadith, le hadith de Mahmoud ibn Rabi', où il avait 5 ans. Mahmoud ibn Rabi', il avait 5 ans. Donc nous tirons de là que la puberté et le fait que la personne, lorsqu'il entend un hadith, il n'est pas obligé d'avoir la puberté ou 15 ou 13 ans. Il se peut qu'il soit bien plus petit encore. Donc il a dit le Ibn Hajar rahimahullah ta'ala lorsqu'il a rapporté cette porte le Bukhari, il dit wa maqsud al-bab al-istidlal 'ala anna al-bulugh laysa shartan fi at-tahammul. Donc il dit, nous prenons de cette porte qu'a cité le Bukhari que la puberté n'est pas une condition dans le fait de prendre un hadith. وآثر المصنف رحمه الله إلى اختلاف الواقع بين أحمد ويحيى ابن معين ورواه الخطيب أن يحيى ابن معين قال أقل سن 5 سنة. Donc il dit Ibn Hajar toujours, il a été rapporté d'après Ibn Ma'in qu'il a dit l'âge le plus bas c'est 5 ans, يعني pour écouter. Donc, nous comprenons que l'enfant, même s'il est petit et qu'il a entendu un hadith prophétique et qu'il l'a appris, qu'il l'a bien maîtrisé, qu'il peut ensuite, quand il grandit, le donner et son hadith est accepté. Et qu'il n'y a pas un signe muhaddad, il n'y a pas un âge prédéfini à ce sujet. La troisième condition, c'est al-aql. C'est que la personne, il soit raisonnable. Et ceci, yani, est connu que celui qui n'est pas raisonnable, qui n'a pas toute sa tête, on ne va pas accepter son texte. Et ceci est une condition qui est consensuelle. Il y a le consensus sur cette condition, comme l'a rapporté الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى أن المجنون لا يعتبر بكلامه. المجنون il est مجنون. Ses paroles ne sont pas acceptées. Quatrième condition, c'est السلامة من أسباب الفسق. C'est-à-dire que la personne il est pas pervers. Et la perversité, c'est le fait de tomber dans un grand péché. Ou, comme le disent d'autres savants, le fait de recommencer les petits péchés. Et le plus grand péché chez les savants du hadith, c'est le mensonge sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisque c'est lié directement à leur science. C'est Al-Kadib ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Al-Fisq, c'est un mani' de l'adala. Quelqu'un qui est pervers, qui n'est pas droit dans sa religion, eh bien, n'est pas intègre. Ensuite, les savants, ils citent une mas'ala qui est « Hukmu at-ta'ib min al-kadhib ». Est-ce que celui qui a fait le repentir du mensonge, c'est un rapporteur, bien sûr, il rapporte, est-ce que son repentir est accepté ou non ? Eh bien, il y a une grande partie des salafs, rahimahumullah, qui n'acceptent pas son repentir. Et de là, n'acceptent pas son hadith après. Et c'est notamment l'avis de l'imam Thawri, de Abdullah ibn Barak, de l'imam Ahmed, de l'Humaydi, de ibn Ma'in, yani les grands imams du hadith. Et ils ont rajouté à cette personne, yani celui qui a menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qui a menti, eh bien, celui qui a fait une erreur dans un hadith, puis qu'on lui a dit son erreur et qui est resté dessus. Par exemple, il a dit un hadith où il dit une chose contraire. On lui a dit, ça c'est contraire et ton hadith, c'est ça le vrai. Il a dit, non, c'est ça. Donc, yulhaq bihi la tuqbal. D'autres ont dit tuqbal ba'da at-tawba. Et ça, c'est l'avis de l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Il dit هذا الذي ذكره هؤلاء ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف لقواعد الشريعة والمختار القاطع أو أول مختار القطع بصحة توبته في هذا وقبول روايته. Donc il dit Nawawi rahimahullah, ce qui a été cité par ces grands imams est faible et contraire aux règles de la législation, et ce qui est choisi c'est que son repentir est juste et que sa version ou son hadith est accepté. Donc premièrement, avant de rentrer dans cette divergence et l'expliquer plus ou moins, il faut différencier entre celui qui est kadhab, fi'lan, qui ment sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et al-muttahim bil-kadhib, et celui qui est accusé de mensonge. Donc des fois, il se peut qu'une personne qui est accusée de mensonge ne l'ait pas en réalité. Il se peut qu'une personne qui est accusée de mensonge ne l'ait pas. Et il y a un exemple, comme Ismaïl ibn Abi Uwais. فَهُوَ مُتَّهِمٌ بِالْكَذِبِ. Il a été accusé de mensonge par certains savants du Jarh al-Ta'dil. وَقَدْ اِحْتَجَّ بِهِ الْكُتُوبِ السِّتَّةِ إِلَّا النَّسَائِ. Donc, هَذَا إِسْمَعِيلِ ibn Abi Uwais خَرَّجَ لَهُ وَاحْتَجَّ بِهِ الْخَمْسَ. C'est-à-dire, quand on dit الْخَمْسَ, c'est les quatre plus l'imam Ahmed, mais ici, c'est الْكُتُوبِ السِّتَّةِ سَنْ نَسَائِ. C'est-à-dire Al-Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Abu Daoud, Al-Tirmidhi. Ils ont rapporté son hadith. لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ أَنَّهُ كَذَّب. Donc, car il n'était pas sûr, il a simplement été accusé de mensonge, mais il n'était pas sûr de son mensonge, donc ils ont sorti, ils ont accepté ces hadiths. En ce qui concerne ce qu'a dit Al-Imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala, eh bien, ceci n'est pas authentique. Le repentir de celui qui ment sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas accepté. Et nous prenons plus de version de lui. C'est ça le vrai, c'est ce qu'a dit al-Salaf. Et le problème de l'imam Nawawi ici, c'est qu'il a fait une analogie avec le musulman en général lorsqu'il ment comme ça. Yani, le musulman pervers n'est pas... Nous ne pouvons pas faire une analogie avec le musulman pervers qui ment sur Nas, fi kalam Nas, وَمَنْ كَذَبَ فِي كَلَامِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Vous comprenez? Est-ce que nous pouvons faire une analogie des deux? Nous avons vu c'était quoi les conditions de l'analogie. Et que beaucoup de gens se sont égarés. Pourquoi? Parce que ils ne voyaient pas al-jami' wal-fariq. Ils ne voyaient pas ce qui réunissait, ce qui désunissait. Ici, l'imam Nawawi pense que celui qui ment sur les paroles des gens est au même niveau que celui qui ment sur les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ceci est un qiyas ma'al-fariq. Donc, ce qui est le plus authentique, c'est que celui qui a menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on est sûr qu'il a menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que même s'il fait tawba, nous n'acceptons pas son hadith. Et c'est ceci sur quoi était as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Qu'est-ce que nous remarquons ici? Nous remarquons qu'il y a une divergence entre salaf rahimahumullah dans le hadith et al-khalaf. Il y a une divergence ici. Puisque si salaf n'accepte plus de prendre les hadiths de quelqu'un qui a menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam après son repentir, donc ils vont considérer certains hadiths comme étant faibles. Sahih? Alors que les autres qui sont venus après vont les considérer comme étant authentiques puisqu'ils acceptent le repentir de celui qui a menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de mal à dire qu'il y a une divergence entre manhaj al-salaf fi ilm al-hadith et al-khalaf, ceux qui sont venus après. Et nous le prouverons, inshallah, bidnillah, en parlant de plusieurs masaïls dans al-manzouma, inshallah ta'ala. En ce qui concerne celui qui ment sur les paroles des gens, yani il a menti lui, oh, il a dit oui, un tel, il a dit ça, c'est pas vrai. Lui, la plupart des savants acceptent son repentir et acceptent sa riwaya, acceptent son hadith. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il sait que le mensonge sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas la même chose, est une grande chose. Donc c'est pour cela que il faut, les savants acceptent sa version. Donc il y a aussi ici la cinquième condition qui est as-salamatu min khawarim al-muru'a, c'est-à-dire qu'il est préservé de khawarim al-muru'a, c'est tout ce qui nuit à l'image de la personne, si on peut dire. Et al-muru'a, c'est-à-dire ce qu'ils appellent le muru'a, c'est une chose que la personne a en lui et qui le pousse à faire des actions qui sont bonnes, des bonnes actions, et qui méritent d'être louées, que ce soit religieusement, par la raison ou bien par la connaissance des gens. Donc je donne un exemple de ce qui fait que la personne détruit un peu son image, on va dire, si on peut dire comme ça. Yahram Moro'ata, c'est par exemple le fait de manger sur la route. C'est-à-dire maintenant, si un frère d'entre nous, il s'assoit dehors et il met quelque chose par terre et il pose sa nourriture et il commence à manger, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Même les musulmans, même les frères vont dire, ah là, il est pas, yani, il lui manque quelque chose. Donc celui-là, sa adala, elle est remise en cause. Sa adala est remise en cause. Il y avait à l'époque de Salaf une chose que certains faisaient et qu'ils considéraient comme étant kharim lil muru'a, c'est le fait de marcher et de se retourner tout le temps. Eh bien, ils considéraient que ceci était considéré comme quelque chose qui annulait, qu'on ne prenait pas le hadith de quelqu'un qui annule sa muru'a. Donc il faut savoir aussi, mes très chers frères, que toute personne qui annule, ou plutôt toute personne qui annule ou qui fait une chose qui diminue de son image apparente, eh bien n'annule pas automatiquement sa adala, ne détruit pas son intégrité. Mais il faut qu'il yastamirru ala dhalik, il faut qu'il soit dessus souvent. Et il faut savoir aussi que khawarim al-muru'a, elles peuvent changer d'une époque ou d'un lieu. Il y a certains endroits où tu peux manger dans les rues, tu t'assois, tu manges avec toute ta famille dans la rue, etc. Les gens ils disent rien. C'est quelque chose de normal. mais il y a d'autres endroits où tu peux pas. Il y a des endroits où tu es obligé de marcher, de tourner la tête toutes les deux secondes. Parce que sinon, il y en a un, il va te planter. Ou si tu vas à New York ou la Bronx. Ou la... Donc c'est pour ça que yani, ça change d'une époque à une époque et d'un endroit à un endroit. C'est pas la même pour tout le monde. On peut rajouter aussi dans Salam al-Salam al-Khawar al-Muru'a, Allah yakuna mughaffalan. C'est que la personne ici ne doit pas être quelqu'un d'insouciant tout le temps parmi les conditions, quelqu'un qui est tout le temps dans les étoiles. Comme par exemple, si tu lui dis est-ce que ce hadith, tu rapportes une chaîne de transmission et un texte prophétique, et tu lui dis, est-ce que c'est un hadith que c'est toi qui me l'a donné, yani? Il va te dire, oui, c'est moi, alors que c'est pas lui. Fahada mughaffal, c'est-à-dire quelqu'un qui est tout le temps dans les étoiles. Donc ici, il y a deux, trois petits points que nous allons dire rapidement, inshallah, pour terminer, qui sont en rapport avec l'intégrité. Première chose, première question. إذا حدث بحديث ثم نفاه عن نفسه هل يقدح في عدالته؟ Si quelqu'un par exemple il te donne un hadith, puis il dit non, c'est pas moi qui t'a donné ce hadith, ou moi j'ai jamais donné ce hadith, est-ce que ceci annule son intégrité? C'est une question qu'on peut se poser. Eh bien les savants disent que non, ça annule pas son intégrité, car il est rapporté dans Sahih al-Bukhari d'après Amr ibn Dinar, an Abi Ma'bad, an Ibn Abbas, قال Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ma kunna na'rifu inqida salati Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam illa bit takbir. Donc ici c'est qui rapporte le hadith? Le hadith rapporté par le Bukhari, c'est Amr ibn Dinar, an Abi Ma'bad. قال Amr, فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره وقال لم أحدثك بهذا قال عمرو قد أخبرتنيه قبل ذلك رواه مسلم. Donc ici أبي المعبد a donné un hadith à Amr ibn Dinar, mais أبي معبد il a renié le fait que c'est lui qui a donné ce hadith à Amr. Ensuite, Amr lui a dit, si, c'est toi qui m'as donné ce hadith. Sûr. Donc le fait qu'il a remis en cause le fait que c'est lui qui lui a donné ce hadith, ne remet pas en cause son intégrité. Deuxième chose, إِذَا كَانَ الْمُحَدِّثُ يَخْشَى السُّلْطَانِ فَهَلْ يَقْدَحْ ذَلِكَ فِي عَدَالَتِهِ. Donc si par exemple, celui qui est le savant du hadith, qui enseigne le hadith, est une personne qui craint le gouverneur, qui craint le gouverneur, est-ce que c'est une chose qui va nuire à son intégrité? Donc Ibn Hajar rahimahullah, il dit que cela ne nuit pas à son intégrité, à condition qu'il est véridique et qu'il maîtrise la chose qu'il enseigne. Et le Bukhari rahimahullah ta'ala, il rapporte des hadiths de Humayd ibn Abi Humayd al-Tawil, et c'est une personne qui craignait le gouverneur, et malgré tout Al-Bukhari lui a rapporté des hadiths. Et Zaïda, qui est un autre alim du hadith, délaissait Humayd ibn Abi Humayd al-Tawil, il le délaissait. Pourquoi? Et bien Ibn Hajar il nous dit la raison, il dit فَإِنَّمَا تَرَكَهُ زَاِدَ لدخوله في شيء من امر الخلفاء. Donc quand il était, Zaïda, il a vu que cette personne était un savant du hadith, Humayd ibn Abi Humayd al-Tawil, mais qu'il était trop proche des gouverneurs, alors Zaïda il l'a délaissé. Il a dit, je prends pas de hadith de lui. Pourquoi? Parce que il va peut-être lui mettre une pression qui va faire qu'il va pas dire la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il se doit. Donc imagine les paroles qu'on entend maintenant, yahi, de ceux qui sont proches d'un tel ou d'un tel. Les paroles yani qui sont mukhalif al-shara, tamam, ils sont contraires à la législation claire. Et tu prends les hadith, les paroles de eux, mais tu regardes pas salaf rahimahumullah à ce moment-là. Aussi, il y a une autre mas'ala qui cite les savants rahimahumullah, c'est est-ce que le fait de prendre al-ujra, de se faire payer pour at-tahdith, est-ce que c'est une chose qui nuit à l'intégrité de la personne? Ou est-ce que cette personne, nous n'acceptons pas ça, son hadith? Donc l'imam Ahmed rahimahullah, il disait que il ne prenait pas les textes, les hadiths d'une personne qui demandait de l'argent pour donner des hadiths. Et d'autres savants ont considéré que c'était autorisé. Yani al-khilaf, il est entre eux, as-salaf rahimahumullah ta'ala. Et il y a un mithal qui est Ya'qub ibn Ibrahim ibn Kathir. Ya'qub ibn Ibrahim ibn Kathir qala 'Uqba anhu innahu lam yakun yuhaddith illa bi dinar. Yani il ne donnait pas les hadiths qu'il avait que lorsqu'on lui donnait un dinar. Wa ma'a dhalika rawa lahu al-Bukhari wa jama'a. Donc l'imam al-Bukhari et un groupe de savants du hadith ont rapporté ces hadiths malgré qui demander qu'on lui donne un dinar pour donner son hadith. Donc les savants ont répondu à ce qu'a dit l'imam Ahmed. Comment? Ils ont dit l'imam Ahmed, son objectif lorsqu'il a dit on n'accepte pas la version de celui qui prend de l'argent pour donner un hadith, quel est l'objectif de l'imam Ahmed? C'est celui qui a dit celui qui va mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour de l'argent. Et c'est ça l'objectif de l'imam Ahmed rahimahullahu ta'ala. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.